Quand la vie est un combat. This is a Rural Beats 07 production. Condoléances aux parents des enfants perdus sur ma route. Peu de chance, trop de dégoût. On se noie dans la coffre de confiance. On se pousse et parfois on finit même dans le ciment. Nous on se lance pour faire kiffer nos proches. On fait nos preuves pour nous remplir nos poches. Moi-même, ma génération, ça fait longtemps qu'on a plus d'aide ni d'inspiration. Alors c'est seul dans ma chambre que je me mettais à écrire. En 99, ça n'était pas difficile. Moi j'ai vu le soleil briller, l'orage foudroyer, la neige arriver, puis trop de feuilles tomber. J'ai cherché la lumière sans même la trouver. Maintenant j'attends le soir et puis je regarde les étoiles briller. Dédicace à tous mes proches, à la famille, à tous les gens que j'aime. Avant la mort, y'a la vie. Chaque jour est un combat en mode soldat. Man, faut jamais baisser les bras ou il baissera. Man, la vie fait pas de cadeaux, alors qu'est-ce que tu croyais? Chaque jour c'est qui choisit la façon de tester. Regarde la réalité en face. Jour et nuit, faut la combattre face à face. Chaque jour est un combat en mode soldat. Man, faut jamais baisser les bras ou il baissera. J'suis ce type, faciès style tranquille. J'suis ce type qui sans cesse questionne sa vie. Mon Dieu que le temps devient long mais bon. Pour s'en sortir faut que l'effort soit violent. Comme dit maman, va mon fils avance. File file comme le vent, brille tel le soleil, le vent. Sois beau et fort mais sois bon et hoc. Sois droit mais hoche la tête, sois humble quand je te dis approche. Je me suis perdu dans les méandres de la rue. Chacun sa route, chacun son chemin, appelle-moi Mimicicu. Ma plume est soutenue, mes ailes t'es familière. Je te parle comme si on se connaissait depuis des années-lumière. À tes lumières, pour faire de grec, j'suis né au bled, où ça y est mec. Si le rap c'est un exercice, mais moi 10 sur 10, ils sont trop à rouler, à me copier son toque, faudrait qu'ils révisent. Chaque jour est un combat en mode soldat. Man, faut jamais baisser les bras ou il baissera. Man, la vie fait pas de cadeaux, alors qu'est-ce que tu croyais? Chaque jour c'est qui choisit la façon de tester. Regarde la réalité en face. Jour et nuit, faut la combattre face à face. Chaque jour est un combat en mode soldat. Man, faut jamais baisser les bras ou il baissera. Chaque jour est un combat en mode soldat. Faut jamais baisser les bras ou il baissera. La vie fait pas de cadeaux, alors qu'est-ce que tu croyais? Chaque jour c'est qui choisit la façon de tester. Regarde la réalité en face. Jour et nuit, faut la combattre face à face. Chaque jour est un combat en mode soldat. Faut jamais baisser les bras ou il baissera. Soldat, man, faut jamais baisser les bras ou il baissera. Man, la vie fait pas de cadeaux, alors qu'est-ce que tu croyais? Chaque jour c'est qui choisit la façon de tester. Regarde la réalité en face. Jour et nuit, faut la combattre face à face. Chaque jour est un combat en mode soldat. Man, faut jamais baisser les bras ou il baissera. Chaque jour est un combat en mode soldat. Man, faut jamais baisser les bras ou il baissera. Man, la vie fait pas de cadeaux, alors qu'est-ce que tu croyais? Chaque jour c'est qui choisit la façon de tester. Regarde la réalité en face. Jour et nuit, faut la combattre face à face. Chaque jour est un combat en mode soldat. Man, faut jamais baisser les bras ou il baissera.